Le roi du Biniou, écrit par Édouard Décaudin Labesse et Henri Pierret, lu par Armen pour audiocité.net. Chapitre 1er. Encore une gavotte sonneur, encore une. Deux pas glissés, un pas frappé, suivez-moi les belles. Deux pas glissés, un pas frappé, et maintenant une volte, tournez-vous les belles. Ainsi parlait le conducteur des danses. Allons, sonneur, ne laisse pas languir la cadence. Encore une gavotte, sonneur, n'es-tu pas le roi du Biniou? En vérité, cette nuit-là devait avoir un nombre d'heures inaccoutumé, car le roi du Biniou, qui avait, maintes fois, fait et gagné le pari de jouer du soir jusqu'au matin sans jamais répéter le même air, avait déjà redit ses gavottes plus de 3 fois chacune. Il y avait même longtemps qu'il avait abandonné son répertoire pour jouer des gavottes qu'il n'avait jamais apprises, des airs inconnus qui lui arrivaient dans la tête et sous les doigts sans qu'il y prît garde, comme des ressouvenirs lointains. Il commençait à se sentir essoufflé, bien qu'il eût eu plus d'haleine qu'aucun des sonneurs en renom à plus de 15 lieues à la ronde. Ce fut donc avec un grand soulagement qu'il vit l'horizon reculer et une petite raie grise apparaître entre l'obscurité du ciel et la noirceur de l'océan. Une bien petite raie, à la vérité, un simple trait, si ténu qu'on l'aurait pu croire tracé d'un coup d'ongle. N'importe, si mince que fût la ligne grise, c'était l'aube qu'elle annonçait, et avec l'aube, la délivrance du roi du Biniou. Encore une gavotte, sonneur, encore une. Et toujours, toujours, les couples passaient, sautaient, se mêlaient pour former de longues chaînes qui s'avançaient dos à dos. Deux pas glissés, un pas frappé, et puis une volte au bout de la prairie. Tournez-vous les belles. Et le roi du Biniou recommençait une gavotte après l'autre, sans s'arrêter même autant de temps qu'il en fallait pour éloigner le porte-vent de ses lèvres, humer une bouffée d'air frais et assurer l'outre sous son bras. À peine avait-il le loisir de regarder de temps en temps autour de lui. La petite raie grise s'élargissait, blanchissait. Les étoiles s'effaçaient dans le ciel pâle avec des clignotements d'yeux endormis. Une seule brillait encore, calme, lumineuse. C'était Lucifer, la première qui se lève le soir, la dernière qui se couche le matin. Le roi du Biniou haletait, son souffle rauque coupait la mélodie. L'outre ne rendait plus que de sourds gémissements sous son coude lassé. Le sonneur sentait que si le jour tardait encore un peu à paraître, il allait demeurer court, ce qui le couvrirait d'une honte ineffaçable. Il ne distinguait plus les danseurs, tant sa fatigue et son angoisse étaient grandes. Les sons mêmes qu'il produisait n'arrivaient plus à son oreille que comme des bruits lointains à peine distincts. Dans sa crainte de défaillir, il soufflait éperdument, pressant l'outre à coups inégaux, pendant qu'il faisait courir ses doigts le long du chalumeau, marquant la mesure de la tête et du pied, en tâchant de surveiller du coin de l'œil les changements qui se produisaient dans le ciel et sur la terre. Lucifer venait de disparaître, abîmé sous un flot de vapeurs roses. Le ciel prenait de fins tons de nacre. La baie, naguère voilée de ténèbres, se dessinait sous la brume avec ses côtes couvertes de verdure, enserrant la mer, ronde et brillante comme un miroir d'argent. Au grand silence de la nuit succédait la rumeur que fait le réveil des êtres et des choses. La brise soufflait fraîche de terre, apportant des senteurs de fleurs et d'herbes mouillées. Bientôt, sous le voile rose qui couvrait l'horizon, des rayons de feu jaillirent, reflétés par l'océan. Puis, peu à peu, la couleur d'aurore s'évanouit en une clarté dorée. Le soleil émergea des flots, radieux, triomphant. Un grand vol de mouettes blanches s'éleva dans l'azur et je croyais vous avoir prié, mademoiselle, de vous abstenir de ces récits. La personne qui venait d'intervenir si mal à propos allait dire « idiot ». Elle retint le mot sur ses lèvres et y substitua « fantastique » qui avait à peu près le même sens pour elle tout en étant plus mesurée. C'était une blonde éclatante, un peu replète pour sa petite taille, très gracieuse, d'une grâce mignarde, qu'atténuait en ce moment son attitude sévère. Une toilette d'intérieur d'une savante simplicité mettait en relief tous ses avantages et dissimulait ses imperfections. Si tant est qu'une jolie femme, riche et du meilleur monde, en puisse avoir quelqu'une. Restée veuve en pleine jeunesse, Madame Thouvenin ne s'était pas remariée pour se consacrer tout entière à son fils Emmanuel, ce même garçonnet qu'elle venait de surprendre au moment où il se faisait conter la légende du roi du Bignou. Malheureusement, les obligations mondaines de la jeune veuve, ses nombreuses relations dans le monde où l'on s'amuse, et son goût pour la grande vie ne l'avaient pas laissé libre de s'adonner complètement aux soins qu'exige l'éducation d'un enfant. Elle avait dû s'adjoindre une institutrice qu'elle dirigeait bien entendu, c'est-à-dire à qui elle exposait de temps à autre ses plans d'éducation et ses idées sur l'enseignement. En entendant sa voix sèche et mordante, la conteuse et son auditeur s'étaient levés, plus surpris que confus. Madame Thouvenin s'avança dans la salle d'études d'une allure cadencée qui faisait valoir sa grâce sans rien lui ôter de sa dignité. « Lorsque j'ai consenti à vous confier mon fils, poursuivit-elle en modulant ses paroles comme une personne qui s'écoute et se trouve bien disante, « je vous ai informé que je n'admets pas d'autre éducation que l'éducation absolument scientifique. Toutes ces billevesées dont on avait coutume de bercer les enfants autrefois, fables, légendes, contes de fées, ne sont bons, suivant moi, qu'à fausser l'intelligence en la peuplant de notions inexactes. Des faits, mademoiselle, rien que des faits, dit-elle du même ton, que devait avoir M. Choakumchild pendant qu'il bourrait de faits les petites cruches de l'école modèle fondée par M. Gradgrind, personnage de Dickens dans les temps difficiles. On ne doit entretenir les enfants que de faits et ne leur enseigner que des choses rigoureusement vraies. Elle prit un temps comme pour admirer l'égale justesse de son esprit et de sa diction. Puis s'étendit longuement sur l'horrible danger que font courir aux esprits enfantins les récits merveilleux empruntés à la littérature populaire, ceux dans lesquels on donne la parole à des êtres qui n'en sont pas doués, comme par exemple, elle rencontra comme exemple des conteurs assez accrédités pour que sa faconde en fût interrompue. Elle fit une concession pour quelques-uns, admit que, de leur temps, il était bon de parler en parabole, convint que le bonhomme avait pu lancer dans ses fables quelques traits contre les grands dont il aurait eu à se mordre les doigts s'il ne les eût dissimulés sous le badinage d'une fable, affirmant que La Fontaine n'était bon que pour les grands enfants et non pour les babies de l'âge d'Emmanuel. Enfin, s'animant tout à coup, elle laissa déborder son enthousiasme scientifique. La science n'avait-elle donc pas assez de poésie pour qu'on en allât chercher ailleurs? Les fastes de l'histoire et du travail n'avaient-ils pas assez de héros pour qu'on en inventât d'imaginaires? Non, non, mademoiselle, fit-elle comme si elle eût répondu à une objection de l'institutrice. Ne me dites pas qu'à la faveur des contes bleus, on moralise en même temps qu'on amuse. La morale n'est pas une médecine amère qu'on dissimule sous le miel. Elle n'a pas besoin d'ornements étrangers pour être présentée à un enfant aussi bien doué que mon fils. J'espère donc que vous voudrez bien vous conformer à mon désir, plusieurs fois exprimé, de ne donner à Emmanuel que des notions parfaitement exactes et pratiques. Le mot désir avait été souligné de la voix et du geste, de façon à le rendre synonyme d'ordre. La conteuse parut n'avoir pas pris garde à cette intention. Au lieu de se défendre, d'alléguer avec Victor Hugo que la légende, comme l'histoire, est une des faces de la vérité, Elle posa la main sur la tête de l'enfant et, le tournant vers elle pour le regarder dans les yeux, elle lui dit simplement « Croyez-vous aux fées, petit garçon ?» Il répondit d'un sourire, d'un signe de tête négatif, et se tourna vers sa mère qu'il essaya d'apaiser en affirmant que Mademoiselle Cavaron n'avait entrepris le récit des aventures du roi du Bignou que sur ses instances. Elle ne voulait pas, il l'avait priée bien longtemps et bien fort. Elle aurait dû savoir résister à tes prières pour se conformer aux miennes, interrompit la mère irritée. Une flamme rose monta aux joues de la jeune fille. Un éclair s'alluma dans ses yeux fiers, mais la petite main qu'elle sentit trembler dans la sienne, l'étreinte furtive par laquelle l'enfant la supplia de garder le silence, l'émoi du tendre petit cœur dans lequel elle savait si bien lire, lui donnèrent la force de se taire. Madame Thouvenin, ayant rempli ses devoirs maternels pour ce jour-là, embrassa son fils et se retira afin d'aller se préparer à remplir ses devoirs sociaux en assistant à un dîner de gala chez un des grands hommes les plus admirés pour l'instant. Ce roi du Bignou jouait de malheur. Plusieurs fois commencé, il avait toujours été interrompu avant le dénouement. Un dénouement tragique sans doute, un de ces dénouements émouvants qui font battre le cœur. Et il s'en fallait de si peu qu'on y fût parvenu. Quelques minutes de plus et Emmanuel aurait su ce qui était arrivé au présomptueux sonneur. À présent, c'était bien fini. Il ne connaîtrait jamais la fin de ce conte intéressant. La riche littérature populaire de la Bretagne était définitivement mise à l'index. Mademoiselle Cavaron devait s'interdire de raconter les faits et gestes des fées, des lutins, Farfadet, Corrigan et Poulpiquet, tous gens d'autant plus malfaisants qu'ils n'ont jamais existé. Des faits, encore des faits et des notions pratiques. Cela suffit pour préparer les fils de notre temps positif à la bataille de la vie. Du moins, Madame Thouvenin l'affirmait sans se soucier le moins du monde de la petite fée turbulente et vivace qu'on appelle imagination. Ne savait-elle pas que si l'on chasse cette folle du logis par la fenêtre, elle ne tarde pas à rentrer par la porte et à se venger de ce qu'on lui a enlevé la fiction en s'emparant de la science qu'elle s'évertue à enrichir d'hypothèses romanesques, parfois plus dangereuses que les humbles contes de fées? La jolie femme n'avait pas pensé non plus que, si la légende était proscrite, l'histoire restait, et une histoire héroïque pleine de fiers exploits, de hautaines résistances, de dévouements admirables. À elle toute seule, la Bretagne était plus puissante qu'avec son cortège de lutins, de follets, de laveuses de nuit, de danseuses des clairières, eût-il été conduit par l'Ankou, non breton de la mort. Passionnée pour son pays comme tous les Bretons, Jacquette Cavaron se plaisait à égrener ses souvenirs pour plaire à son petit ami. Elle lui peignait la lande solitaire, étincelante sous le manteau d'or dont les ajoncs fleuris la couvrent au printemps, rousse à l'automne quand la fleur a fait place à la gousse brune et noire sous le ciel gris d'hiver. Du roi du Bignou, de Corbeau vert, de Guyon la visée, de la belle à qui les Poulpiquets cueillaient des fraises sous la neige pour la récompenser de sa bienveillance, jamais un mot. Pas plus que de la princesse métamorphosée en souris ou de la princesse de Hongrie, la peau d'âne bretonne. Par un accord tacite, on écartait ces sujets défendus. Emmanuel aurait craint de faire gronder sa douce amie. Mademoiselle Cavaron ne voulait pas s'exposer à une nouvelle algarade. Les contes et les légendes eussent seulement amusé le petit garçon. L'histoire l'enthousiasma. Les longues soirées d'hiver lui paraissaient courtes lorsque, assis auprès du feu, ses devoirs achevés et ses leçons sues, Il écoutait ces guers qui sont comme la chronique rimée de la Bretagne, poésie naïve qui laisse aux héros toute leur grandeur et dans lesquels on sent vibrer l'admiration reconnaissante de tout un peuple. Il en savait plusieurs par cœur et se plaisait à se les faire redire ou à les répéter lui-même. C'était l'histoire de Noménoé vengeant le jeune Caro, dont l'intendant du roi chauve avait jeté la tête dans le plateau de la balance pour parfaire le poids du tribut. Celle du jeune marquis de Pontcallec, vendu par un mendiant au juge de Nantes et décapité à 22 ans pour avoir pris part à la conspiration de Célamar. Le champ de Branne, le prisonnier de guerre, trompé par son gardien et mourant de chagrin à la pensée que sa mère n'a pas reçu son message, tandis qu'elle le demande à toutes les portes de la ville. Celui aussi de la dame qui vient implorer la grâce de son frère auprès du roi Louis XIII et n'arrive que pour voir expirer le condamné, coupable d'une offense envers un des pages du roi. D'abord, l'institutrice s'amusa de la hauteur des daigneuses que mettait l'enfant dans la réponse de Pontcallec à ses juges. « J'ai fait mon devoir, faites votre métier. » Ou de l'expression de sombre énergie qu'il donnait aux paroles du vieux père de Caro demandant vengeance au duc de Noménoé. « Celui qui veut, celui-là peut, celui qui peut chasse l'étranger. » Elle fut bientôt frappée de l'exaltation que ses récits développaient chez son élève et des élans de sensibilité qui en étaient le résultat. Le mot de patrie mettait d'étranges vibrations dans la voix de cet enfant de 10 ans qui ne pouvait redire sans pleurer la dernière strophe de Branne. « Chantez, petits oiseaux, chantez, vous n'êtes pas morts loin de la Bretagne. » Elle délaissa les guers pour les saunes, d'une grâce poétique moins pénétrante, pour des chansons de quête comme la Guilaneuf, et même pour les chansons de danse presque toujours enjouées. Un jour qu'Emmanuel était d'humeur sombre, elle joignit la danse aux chansons pour le dérider, le prit par la main et le conduisit comme celui qui mène la chaîne conduit la bande en le faisant sauter. Il prit assez de goût à cet exercice pour oublier sa tristesse et reprendre avec Jacquette le refrain de la chanson. Ce jour ne fut pas comme tant d'autres sans lendemain. Chaînes, gavottes et passe-pieds se succédèrent, comme dans l'histoire du roi du Bignou, quoiqu'avec moins de continuité. On dansait tantôt sur de véritables chansons de danse, tantôt sur des dialogues qu'on improvisait sur un vieil air breton. Estimant que la danse pouvait être un bon exercice pour un petit garçon privé de ses jeux actifs, auxquels on ne peut se livrer qu'à condition d'avoir des camarades, la bonne Jacquette se prêta volontiers au goût d'Emmanuel pour ce genre de divertissement. Elle y prenait elle-même plaisir, heureuse qu'elle était de la gaieté de l'enfant et de la vivacité d'esprit qu'il déployait dans les dialogues chantés sur lesquels ils réglaient leurs pas. Elle commençait d'ordinaire par un naïf refrain, bientôt délaissé, et ils s'en allaient alors au gré de leur inspiration et de leur réminiscence, aussi peu soucieux l'un que l'autre de la facture de leur poésie, et tout aussi satisfaits d'une assonance que de la rime la plus opulente. Ce nouvel amusement charmait les heures de solitude que la vie mondaine de sa mère laissait à Emmanuel. Il lui rendait de plus en plus chère la douce jeune fille qui savait si bien se faire enfant pour lui plaire. Comme elle était bonne, sa Jacquette, comme elle était jolie aussi, avec ses grands yeux bruns, ses cheveux châtains lissés en bandeaux sur son front, comme ceux des vierges dans les vitraux d'église, son sourire grave, son teint d'une pâleur rose. Et quel joli nom! Un nom fait pour elle, simple comme elle, et que personne autre ne portait. Pourquoi donc sa mère avait-elle tant insisté pour que Mademoiselle Cavaron consentît à se laisser appeler Jacqueline? Jacquette était bien plus jolie. Ce qu'elle disait était mieux dit, ce qu'elle faisait mieux fait que tout ce que pouvaient dire et faire les autres. Il la trouvait la plus belle, comme il la sentait la plus tendre. Tout cela très inconscient, mal défini, comme sont les amours des enfants, amour fait de celui qu'on a pour eux. L'été avait interrompu ses récréations chorégraphiques. Les jours pluvieux d'un triste automne les firent reprendre avec d'autant plus d'ardeur qu'elles répondaient aux besoins de mouvement si impérieux chez les jeunes garçons de l'âge d'Emmanuel. « Ai-je été sage ?» disait-il. « Très sage. »« J'ai bien travaillé ?»« Très bien. »« Vous êtes contente ?»« Très contente. »« Alors ?»« Que voulez-vous dire avec votre alors ?»« Vous le savez bien. »« Non, je ne sais pas. » Il se levait et disait comme les infatigables danseurs du roi du Biniou. « Encore une gavotte sonneure, encore une. » Elle, qui avait faim de ne pas comprendre pour se faire prier, se levait à son tour, lui prenait la main et entonnait le premier couplet de la chanson. C'est ainsi qu'un jour de novembre, tout embrumé d'ennui, Mademoiselle Cavaron mit de côté les livres sur lesquels son élève rêvait sans y rien comprendre, envahie par le spleen qui se dégage du brouillard, et l'entraîna dans une chaîne pour le réveiller. Un petit enfant conduit notre danse, gai joli danseur. Il a la beauté d'une fraîche fleur, d'un doux oiselet il a l'innocence, gai petit danseur. Chante à Jacquette, et tout aussitôt le petit danseur répondit sur le même rythme. « Passez en avant, ma danseuse blonde, donnez-moi la main. Je sais bien chanter un petit refrain, mais je ne sais pas conduire une ronde. Donnez-moi la main. » Le « la » étant pris, le dialogue se continua par strophes alternées, chacun des improvisateurs gardant le refrain qu'il avait adopté au début. « Ne vous troublez pas, ayez confiance, gai petit danseur. « Jamais un garçon ne doit avoir peur de notre chanson. Suivez la cadence, gai joli danseur. »« Je vais après vous, Jacquette, ma douce, donnez-moi la main. Regardez là-bas au bord du chemin, c'est dans le gazon une fleur qui pousse. Donnez-moi la main. »« Laissez donc les fleurs, vous rompez la chaîne, gai joli danseur. » Tout vient en son temps, l'heure et le malheur, la danse aux chansons et la course en plaine, gai petit danseur. « Je veux en passant cueillir la fleurette, donnez-moi la main, vous l'attacherez à votre Justin. Pour vos souvenirs, n'est-ce pas, Jacquette? Donnez-moi la main. »« Nous allons bientôt vous mettre à l'épreuve, gai petit danseur. J'ai vu ce matin Jean le vieux sonneur, il nous a prié pour une ère neuve, gai joli danseur. »« Je ne veux aller à l'ère nouvelle, donnez-moi la main, on s'y raillerait du pas incertain de votre danseur, croyez-moi la belle. » Donnez-moi la main. Si pour vous montrer j'ai perdu ma peine, gai joli danseur, quelque grand dépit que j'en ai au cœur, il faudra pourtant qu'un autre me mène, gai petit danseur. Non, je vous suivrai, Jacquette, ma chère, donnez-moi la main, tant que sous vos pas courra le chemin, et je veux savoir danser pour vous plaire, donnez-moi la main. Quand nous reviendrons en suivant les grèves, gai petit danseur, nous verrons courir le follet moqueur, il nous parlera du pays des rêves, gai joli danseur. À notre retour, il fera nuit close, donnez-moi la main, nous verrons briller la lune en son plein, et vous chanterez quelque douce chose, donnez-moi la main. Ce sera peut-être une nuit sans lune, gai petit danseur. Nous aurons tous deux un peu de frayeur à nous sentir seuls dans la lande brune, gai joli danseur. De genêt fleuri, prenez cette branche, ma douce, ma sœur, pour guider les pas du petit danseur. Donnez-lui la main, et dans la main blanche, laissez votre cœur. Deux pas glissés, un pas frappé, et puis une volte, tournez-vous les belles. Tous deux accomplirent leur volte avec une légèreté d'oiseau. Cette volte les amena juste auprès de la porte, sur le seuil de laquelle se tenait Madame Touvenin. Depuis quand était-elle là, il ne le savait pas, ne l'ayant pas entendu venir. La jeune fille devint toute pâle, Madame Touvenin devint toute rouge. Ni ce spectacle gracieux d'une belle jeune femme dansant avec un joli enfant, ni la gaieté discrète et un peu surannée de la danse, ni la naïveté de la chanson n'émurent Madame Touvenin, si ce n'est d'une colère que justifiait amplement à ses yeux le mauvais emploi d'un temps qu'on aurait pu consacrer à l'étude ou, tout au moins, à des récréations instructives. Pas un mot ne fut prononcé. Jacquette baissait la tête, prévoyant un orage, Emmanuel se tenait serré contre elle, ainsi qu'il en avait l'habitude, lorsque quelque crainte l'agitait. Madame Thouvenin était trop stupéfaite pour trouver une parole. Elle laissa retomber la portière qu'elle avait soulevée pour entrer. Les deux coupables entendirent son pas léger s'éloigner dans la direction de son boudoir, sans oser bouger de leur place, glacés par ce silence qui leur paraissait menaçant. Ils ne se trompaient pas dans leurs prévisions. Au milieu des pensées qui agitaient l'esprit de Madame Thouvenin, celle qui revenait avec le plus d'obstination était qu'Emmanuel, ayant 11 ans accompli, il était temps de le mettre entre les mains d'un précepteur sérieux. Danser, c'était déjà un manque de convenance répréhensible, mais ce qui était bien plus répréhensible encore, c'était cette chanson dont elle avait seulement entendu la dernière strophe, dite par son fils. Était-ce là une chanson à enseigner à un enfant? Il fallait que cette institutrice fût bien sotte ou bien perverse. Si elle l'avait pu, elle l'aurait renvoyée immédiatement. Comme elle ne pouvait ni demeurer auprès d'Emmanuel, ni laisser l'enfant seul, elle patienta jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un précepteur. « Sérieux, et surtout pas breton !» ne manquait-elle pas de dire à toutes les personnes de sa connaissance à qui elle demandait de lui trouver le précepteur rêvé. « Très savant, très sympathique, doux et sévère à la fois !» Elle en avait assez des Bretons, cette petite Cavaron l'en avait dégoûtée. Elle s'était entêtée à contrecarrer toutes les vues d'une mère éclairée. Sa manie de conter des histoires idiotes était encore excusable après ce qui s'était passé. Et la chanson de courir de bouche en bouche, et les élégantes amies de Madame Thouvenin de redire chacune à leur tour. « En vérité, chère, il faut que cette fille-là soit bien sotte ou bien perverse. » Pendant que cette tempête grondait autour de lui, le petit garçon s'efforçait de croire que l'aventure était oubliée. Il répétait que sa mère n'était pas fâchée. Il la connaissait bien et savait quand elle lui en voulait. Pourquoi aurait-elle été fâchée? Et soudain, il s'interrompait pour supplier la jeune fille de rester toujours auprès de lui. « Jacquette, ma petite Jacquette, vous ne voulez pas vous en aller, n'est-ce pas? Dites que vous m'aimez bien, que vous ne partirez jamais d'ici. »« Si je puis, » répondait Mademoiselle Cavaron, sachant bien qu'elle ne le pourrait pas et que le jour de la séparation était très proche. Cependant, elle ne se sentait pas coupable. Elle s'était faite la grande sœur d'Emmanuel qu'elle avait choyée comme un petit frère bien-aimé à qui elle aurait servi de mère. Lorsque Madame Thouvenin eut enfin trouvé un précepteur, elle fit appeler Mademoiselle Cavaron, lui exposa froidement qu'un garçon ne devait pas être laissé trop longtemps aux soins d'une femme, surtout lorsque cette femme était trop jeune pour comprendre la haute portée de la mission qui lui était confiée, qu'Emmanuel avait 11 ans passé, presque 12 ans, que la carrière à laquelle elle le destinait exigeait de fortes études, qu'enfin elle avait décidé de lui donner un précepteur. L'institutrice se taisait. Qu'aurait-elle dit? Elle savait que le petit garçon la regretterait. Elle savait que ce serait pour elle une grande tristesse de le quitter. Mais qu'importait cela? On n'avait plus besoin d'elle, on la congédiait, c'était naturel, seulement on aurait pu la congédier moins dédaigneusement. Madame Thouvenin s'attendait à des protestations. Elle fut surprise de ce silence qui la gênait pour placer les reproches éloquents qu'elle se proposait d'opposer aux regrets de Mademoiselle Cavaron. Puisque l'institutrice ne répondait rien, il fallait en finir. Madame Thouvenin conclut en lui annonçant qu'elle serait libre la semaine suivante. Jacquette s'inclina, demandant comme une grâce la permission de prévenir elle-même Emmanuel. « Inutile, mademoiselle, » fit Madame Thouvenin. « Je sais ce qu'il faut dire à mon fils à ce sujet. » « Je le lui dirai quand il en sera temps. » Jacquette s'inclina de nouveau et se retira, mais elle ne put s'empêcher de fondre en larmes quand elle rentra auprès de son petit ami. « Mère vous a grondé ? » demanda-t-il. Elle répondit non et n'ajouta rien. De la sorte, il ne connut son départ que lorsqu'elle était déjà loin, et que le précepteur, M. Siegfried, occupait la place auprès de la table de travail. Ce M. Siegfried était un assez joli garçon, blond aux yeux bleus, alsacien de naissance, très allemand de type et de tournure d'esprit, épris des philosophies et des sciences nouvelles, cherchant en tout la petite bête, sans doute parce que, étant myope, il avait l'habitude de regarder de trop près et de s'arrêter trop longtemps aux détails. Intelligent, aimable, il n'avait que le défaut d'être trop jeune pour s'attacher à l'étude d'une petite âme d'enfant. Entre les mignarderies de sa mère et la douceur indifférente de son précepteur, le pauvre petit fut bientôt pris d'une pénible sensation de vide. Sa vie était toute changée, très froide, très monotone. « Mon cher enfant, disait M. Siegfried, mon mignon chéri, disait Mme Thouvenin. Mais qu'il y avait loin de ces appellations affectueuses au « petit garçon » de Jacquette. Bonne Jacquette, où était-elle à présent? Pour qui souriait-elle de ce bon sourire gai comme le soleil de mai? Il revoyait par la pensée ce jour où la dernière volte de la chaîne accomplie sur le dernier vers de la chanson les avait mis tous deux en face de Madame Thouvenin. Il se disait que la cause du départ de Mademoiselle Cavaron devait être la complaisance avec laquelle elle se prêtait aux amusements de son élève, et il rejetait toute la faute sur lui, s'accusant de n'avoir pas été assez travailleur, se promettant de demander pardon à la jeune fille quand il la reverrait. Quand il s'absorbait en ses songeries et devenait si tranquille que sa mère était dans l'admiration de sa sagesse. « Il est tout à fait raisonnable maintenant, » disait Madame Thouvenin au précepteur. « Un garçon très sérieux, » répondait celui-ci. À mesure que le temps passait, le changement d'Emmanuel s'accentuait. Silencieux, plongé dans sa rêverie, le jeune garçon avait perdu sa gaieté et jusqu'à l'activité de son âge. Le mouvement lui répugnait. Même pendant les mois d'été passés à la maison de campagne de sa mère, il aimait mieux rester assis auprès d'une fenêtre que de courir dans le parc, ainsi qu'il le faisait du temps de Jacquette. Cela ne déplaisait pas au précepteur. Cependant, il fallut bien un jour consentir à s'apercevoir qu'il était pris de la pire de toutes les maladies pour un enfant, l'ennui. Il était pâle, indifférent à tout, il perdait l'appétit, ne dormait plus que d'un sommeil agité. Sa mère s'inquiéta, consulta le médecin de la famille et décida sur l'avis de celui-ci qu'on passerait les vacances au bord de la mer. Dire qu'on irait au bord de la mer, c'était tout simple. Choisir une plage, c'était moins facile. L'air chargé d'effluves salins ne suffisait pas, il fallait aussi des distractions. Madame Thouvenin passait en revue toutes les plages vantées dans les annonces. Celle-ci était trop solitaire, celle-là trop fréquentée, celle-là trop autre chose. Et elle disait à Emmanuel « Où veux-tu aller? À Trouville? À Saint-Sébastien? Parle, mon mignon chéri !» Aucune des plages nommées par sa mère n'éveillait son désir engourdi par l'ennui. Alors elle recommençait, choisissant toujours, bien entendu, les stations mondaines dans lesquelles elle pourrait continuer sa vie de plaisir, tout en veillant sur la santé de son fils. M. Siegfried glissa un nom peu connu des Parisiens, Plouarnel. Il avait passé en cet endroit une des plus charmantes saisons dont il eut souvenir, une belle grève sur laquelle venaient doucement mourir les lames. La campagne est tout près Carnac et l'île Tinique, si riches en vestiges de l'homme préhistorique. Le placide jeune homme s'animait à ses souvenirs dans lesquels les recherches scientifiques tenaient le premier rang. Madame Thouvenin l'interrompit pour dire « Où se trouve Plouarnel ?»« En Bretagne, madame. »« Oui, allons en Bretagne, » s'écria Emmanuel. « Je suis sûre que je m'amuserai beaucoup en Bretagne. » Une flamme de joie luisait dans les yeux du petit garçon pendant qu'il redisait « Allons en Bretagne, tu veux bien, n'est-ce pas, mère ?» Madame Thouvenin ne réfléchit pas davantage. Le sourire de son fils voilait le souvenir de Mademoiselle Cavaron, et elle dit « Allons en Bretagne !»